Se ve que c'est moi, l'angade au mitancier, qui en nous laisse, mon de chéri. C'est vous seulement cavre, mon de chéri. Tell me,